partage toi la vie, dis tout. À tout pas toi qu'on y va sans vivre bien comme des jumelles. Et n'y a principe d'amitié. Nous fréquentions des mêmes endroits, église, école, université. En plus on a décroché nos diplômes au même moment. Tous les week-ends on faisait nos achats au supermarché. On s'est défoulé souvent en être club. La lisière club. Chez Tiboyoma, Tibokolo, Savanana. Maman, il est club. Et à moi, souvent, on s'appelle en champagne. Alexis, parle pas de danse et de Fabregas. Un jour, la chance m'a souri. Je me suis amouraché avec un jeune homme élégant. Mignon et friqué. Il m'est craqué, mais chouchouté. Et me faisait tout le temps des cadeaux. Curieusement, ma bande de viande différente et jalouse. Parce qu'elle craquait à mon chéri. Elle s'y commet à ce charme. À mon ainsi, elle commence à me tourner. Il s'appelait, se fixait des rendez-vous par texto. Lorsqu'elle arrive, elle est sans suivre mon j'ai témoin. Mon sinzo, mon sinzo, mon droite, ma sud-est par la félonie. Ami intime. Malgré les bienfaits, à poignarder la paléto. J'étais dans l'ignorance car la confiance ne se clé pas les contrôles. Un pli à sa confidence, une conséquence est trahison. Zambala la kate, un fait la kangi bango. On a crié maman. Elle a trahi notre amitié à cause d'argent. Pour des intérêts éphémères, elle m'a trahi. Elle a si comblé au charme de mon petit ami. Elle a goûté vraiment mon plaisir. Mon sito, ma stoïa bétinaï. Conca moi, ma pente, elle m'a trahi. Na Kinshasa, Tina Rwanda, Brazzaville, Mali Guinée, au Gabon et Côte d'Ivoire, Tin America, Moki Mobimba, Oye, Boyo Kino Renge, Ave Tinaï. Camerounais, Sénégalais, Nigeria et même aux Antilles, Sud-Africa, Tanzanie, Tin Europa, Moki Mobimba, Oye, Boyo Kima. C'est fini, oh, c'est fatigué, c'est daté, oh, oh, entre la naïe, oh, à sa monnaie, ma bébé, oh, à demi la bobali, la naïe, j'ai plus de choix, moi j'en peux plus, que cet exemple vous serve de leçon.